C'était le martyr de te le dire, mais il fallait bien que je passe par là. C'est pas automatique d'en faire à dramatique, il n'y aura pas qu'un pas. J'ai décrit mon état psychologique pour que tu comprennes sans peur. J'ai écrit je te quitte même si tu habites toujours dans mon cœur. J'espère que tu vivras le bonheur, que tu admireras chaque paysage. J'espère que tu verras les couleurs que la vie nous offrira à chaque passage. Que tu vivras des trucs exceptionnels, des choses tellement magiques. Que tu vivras enfin la vie que tu souhaitais depuis que tu es toute petite. J'espère que tu rencontreras l'amour, tes amis, revoir ta famille. J'espère que tu prends soin de toi comme chaque matin tu te maquilles. Que tu te motives chaque jour pour aller de l'avant quand c'est difficile. Hey. Que tu profites à jamais de chaque joie que la vie t'a mise ici. Sur ce chemin que tu emprunteras, suivi de son tour du monde. J'ai le destin que tu sois la plus heureuse de ce monde. Tes chagrins oubliés par des magnifiques alentours visitables. Des souffrances récompensées par des journées inoubliables. Moi, je resterai seul dans le noir, mais ton bonheur fera le mien, je crois. Que tu ne vas pas dans le bon chemin avec le mien, ne me retiens pas. Je suis un démon, un misanthrope, un dépressif toxicomane. Je ne veux pas qu'une fille saine comme toi finisse en se toxiquant au max. Pardon pour le mal que je t'ai fait, comprends bien ce geste. Je ne suis pas si facile à décrire, je suis comme un extraterrestre. Fais-le pour moi, prends tes distances. Je ne suis pas un bon exemple en vérité. Fais-le pour moi, apprends tes petites danses. Mène tous tes rêves à la réalité.